Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Audio en 89.5 MHz sur la modulation de fréquence à Saint-Étienne et alentour. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes jeudi. Et cette semaine, c'est le tour du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire des mouvements ouvriers stéphanois. J'ai le plaisir de présenter et lancer cette émission en compagnie de Georges Gay, Christelle Morel-Journel et Pauline Chavassieux autour d'un ouvrage collectif qui s'intitule « Déconstruire la ville ». Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors c'est Georges qui va un petit peu conduire l'ossature de cette émission extrêmement urbaine. Je te cède la parole. Voilà, et bien donc déconstruire la ville avec un sous-titre, les villes en décroissance, laboratoire d'une production urbaine alternative. C'est un petit peu impressionnant. Et donc il convient à la fois d'expliciter ce titre et ce sous-titre et d'autre part, eh bien, de justifier que la présentation de cet ouvrage se fasse au titre de l'émission du GREMOS qui, rappelons-le, s'intéresse aux mémoires ouvrières stéphanoises. Alors donc, déconstruire la ville, c'est un peu un paradoxe, voire une provocation, quand pour le sens commun, la ville et l'urbanisation sont associées à la fois à la construction et d'autre part à la croissance démographique. Et aujourd'hui, le développement démographique des villes, le gigantisme, etc., tout ça, sont des idées reçues qui sont extrêmement prégnantes, extrêmement enracinées. Et donc, un des objectifs du livre, objectif collatéral, on va dire, c'est justement de remettre en question, de déconstruire, entre guillemets, sans jus de mots, de déconstruire ce type d'approche. Deuxièmement, la démolition, eh bien, est très souvent, et là encore, pour le sens commun, la démolition, elle est associée, eh bien, d'abord à la ruine, elle est associée à la catastrophe, elle est associée à la guerre, elle est associée à tout un tas d'éléments négatifs dans l'histoire des villes. Et là, le parti pris, c'est de dire, eh bien, non, la démolition, ça peut être aussi quelque chose dont on va tirer du positif. Alors, cette démolition associée, là aussi, quand elle est intégrée dans les approches de la ville, elle est associée plutôt à la reconstruction qui vient derrière. Alors, on a quelques exemples historiques anciens, par exemple les travaux d'Haussmann à Paris, mais plus localement à Saint-Étienne, et bien, par exemple, quelques grandes opérations comme l'ouverture de l'avenue de la Libération, enfin ce qui s'appelle aujourd'hui l'avenue de la Libération, au début du XXe siècle, sur les terrains de l'ancien hôpital, qui avait alors déménagé sur le site de Bellevue, ou d'une façon plus récente, les grandes opérations de rénovation urbaine qui ont été conduites à Saint-Étienne dans les années 60-70, comme par exemple l'opération qui a conduit à la construction du quartier de Centre 2 à la place de ce qu'on appelait l'îlot prison Tréfilerie. Donc la démolition est donc globalement associée à l'idée de reconstruction, à la perspective de la reconstruction. La démolition, cependant, eh bien, dans cet ouvrage-là, on se propose de l'envisager sans reconstruction derrière, la démolition pour libérer de l'espace, pour restructurer de la ville. Restructurer la ville, pardon. Alors, pourquoi, au titre du GREMOS, présenter cet ouvrage ? Eh bien, tout simplement, même si le propos qui est développé dans cet ouvrage est un propos très actuel, en fin de compte, voire prospectif, il en reste néanmoins que c'est un ouvrage qui s'enracine fortement dans la mémoire d'une ville ouvrière, Saint-Étienne, parce que cet ouvrage est le produit de réflexions et de travaux qui ont été conduits par un groupe d'enseignants et de chercheurs de l'université, alors de plusieurs disciplines, alors essentiellement géographie, urbanisme et sciences politiques, et puis des chercheurs et des enseignants et enseignantes, chercheurs et chercheuses de l'école d'architecture. Donc, c'est le fruit de ce travail qui a conduit à cette publication. Une publication enracinée dans la mémoire de cette ville ouvrière, mais aussi d'autres villes ouvrières, on aura l'occasion d'en reparler, d'autres villes ouvrières, que ce soit en Europe, particulièrement sur les marges orientales de l'Europe, ou que ce soit aux États-Unis, où cette question de la décroissance urbaine et justement de la déconstruction se pose d'une façon très spectaculaire et souvent très, médiatisé, pour employer un mot commode et facile, avec par exemple l'exemple de Détroit qui est très connu. Alors donc, un double renversement de perspective qui est proposé, un renversement de perspective sur la décroissance démographique qui est envisagée davantage comme une chance à saisir pour refaire la ville que comme une malédiction, et d'autre part sur la démolition qui est envisagée comme un levier raisonné justement de recomposition de la ville et recomposition non pas de la ville en général mais de villes en particulier qui ont été souvent des villes maltraitées, malmenées par l'urbanisation ancienne, par celle du 19e siècle en particulier, mais aussi celle du 20e, et donc une opportunité à fabriquer pour les habitants de ces villes un cadre plus agréable qui soit plus respectueux aussi de ses habitants. Alors, donc, revenons sur cette question de la décroissance, et je vais, dans un premier temps, m'adresser à Christelle pour nous remettre un peu en perspective cette question de la décroissance urbaine, c'est-à-dire de la perte d'habitants des villes. Alors, à Saint-Étienne, c'est un sujet qui était un peu obsessionnel et qu'il reste, et ne serait-ce qu'à travers son envers, l'observation de tous les frémissements d'une croissance possible. Alors, est-ce que c'est une exception stéphanoise ou est-ce que ce n'est pas peut-être un élément nouveau de l'avenir des villes qui seraient, tout au moins toutes ces villes-centres anciennement et densément bâties, qui seraient appelées à voir leurs habitants diminuer. Alors pourquoi, comment, c'est la question que je te pose. Merci Georges pour cette introduction et cette question extrêmement large et grande. Alors c'est vrai que la décroissance urbaine aujourd'hui, en tout cas je vais me polariser sur la période contemporaine parce que il est bien connu que dans l'histoire des villes, certaines des plus fameuses d'entre elles, je pense à Rome, ont connu au cours de leur histoire des périodes de grande croissance démographique jusqu'à être une ville de, pour Rome, 1 million d'habitants au début de notre ère, comme on dit, et puis être plutôt une ville de 50 000 habitants au 9e siècle après Jésus-Christ. Mais le phénomène de décroissance urbaine qui nous intéresse, c'est celui qui est contemporain, j'ai envie de dire, qui est devenu sans doute plus structurel qui est devenu structurel parce que on peut en donner quelques chiffres qui en témoignent. D'une part, quand on regarde sur des cartes de l'Europe ou même du monde, eh bien l'ensemble des communes dont la population décroît entre deux périodes intersensitaires, eh bien cette carte est quand même à moitié selon les pays, selon la taille des communes, mais en tout cas à moitié plus tôt, effectivement, en décroissance. Et pour donner un exemple plus précis, en France, entre 2007 et 2013, eh bien, ce sont 38% des aires urbaines, c'est un petit peu technique, mais qui ont perdu de la population. Donc c'est un phénomène qui est... Voilà, sans être majoritaire, qui fait partie aujourd'hui de la réalité des villes, et tu as raison, qui ne peut pas être escamoté en polarisant son attention sur les plus grandes des villes du monde et effectivement leur croissance et la mise en scène de leur croissance, qui est deux choses un peu différentes. Donc effectivement, un phénomène qui atteint beaucoup de villes, plutôt des petites, des moyennes villes, mais sans oublier que voilà, une ville comme New York, entre les années 60 et 70, ça avait perdu aussi beaucoup d'habitants au profit d'un processus dont je reparlerai, qui est celui de la périurbanisation. Donc on a un phénomène structurel qui est lié à des processus macroéconomiques, hein, cette mondialisation, alors plutôt les acteurs de la mondialisation qui opèrent des choix stratégiques de territoire, des choix stratégiques en termes d'investissement qui contribuent à valoriser certaines villes et certains territoires et en déclasser d'autres, en lien bien sûr avec la désindustrialisation, hein, qui a frappé un certain nombre de ces villes et de ce territoire qui aujourd'hui perdent de la population ou ont perdu, en tout cas depuis 10, 20, 30, 40 années. Hein, tu as rappelé le cas de Saint-Étienne qui effectivement entre 1968 et aujourd'hui a perdu quand même pratiquement un quart de sa population. Donc un phénomène structurel qui a des raisons, des industrialisations, périurbanisation aussi, donc le fait que certains des habitants ont choisi de vivre moins dans les villes-centres que dans la périphérie où la promesse était aussi celle de l'accession à la maison individuelle, à la propriété éventuellement, et on a abouti comme ça à un certain nombre de cas multiples selon les régions. Dans les pays du Nord, tu as raison, tu as évoqué la Rust Belt et cet exemple emblématique de Détroit. Donc qui a affecté les régions d'ancienne industrialisation, mais qui affecte aussi les pays du Sud, hein, pour lesquels le phénomène de délocalisation vu de notre fenêtre ne doit pas cacher aussi le fait que un certain nombre de territoires sont aussi désindustrialisés et un certain nombre de villes minières, mais au-delà, perdent aussi des habitants dans le Sud. Voilà. Une fois qu'on a dit tout ça, tu as rappelé que l'ouvrage considérait cette décroissance urbaine comme une chance dans l'absolu. C'est un petit peu difficile à concevoir parce qu'on a plutôt l'impression que perdre des habitants, perdre des activités économiques, c'est d'abord un problème, ou en tout cas ça génère un certain nombre de problèmes en termes de ressources fiscales, de ressources économiques bien sûr, en termes de vitalité urbaine de manière globale. C'est pas très rigolo, je peux dire assez simplement, d'habiter dans un immeuble où il n'y a plus grand monde, ou d'habiter dans un quartier où les rez-de-chaussée sont, les fenêtres des rez-de-chaussée sont obturées et où il n'y a plus vraiment grand monde, en tout cas. Donc pour les collectivités locales, c'est un problème en termes de ressources, pour les habitants en termes de conditions urbaines, d'accès aux services aussi parfois, hein, qui sont fortement reconsidérés et reconfigurés en raison de la perte d'habitants. Et parmi les phénomènes les plus visibles, c'est effectivement celui de la vacance, donc le fait d'avoir des immeubles, des logements, des rez-de-chaussée commerciaux vides, voire des friches industrielles, bien sûr. Alors, revenons sur ces problèmes. Alors, effectivement, les problèmes qui sont produits par la perte de ressources, qui sont produits aussi par la perte... d'aménité, bon, peut-on dire, hein, c'est-à-dire le fait de se trouver face à des locaux abandonnés, face à des friches urbaines, hein, tout ça contribue à une dégradation à la fois de l'image de la ville, une dégradation donc qui enclenche une spirale, hein, une spirale de dévalorisation qui touche les habitants eux-mêmes. Donc, un des premiers enjeux, c'est bien sûr d'enrayer cette spirale de dévalorisation et de redonner aux habitants à la fois une certaine forme de fierté de l'endroit où ils vivent et aussi essayer de leur redonner une image positive à la fois d'eux-mêmes et des lieux qu'ils habitent. Alors, ceci étant, dans cette prise de conscience cette spirale et dans la prise de conscience, enfin la recherche plus exactement de méthodes, la recherche de dispositifs pour contrecarrer cette spirale de dégradation, les bailleurs sociaux, c'est-à-dire tous les organismes de gestion du logement social, qu'ils soient des organismes privés ou des organismes publics, ces bailleurs sociaux jouent quelque part un rôle d'avant-garde, ont joué quelque part un rôle d'avant-garde. Alors, peux-tu nous en dire un petit peu plus? C'est un aspect qui est développé dans le livre, sur justement le rôle de ces bailleurs sociaux et pourquoi ces bailleurs sociaux ont-ils été à l'avant-garde cette entreprise de renversement de la spirale de dégradation. Alors effectivement, le rôle des bailleurs sociaux occupe la première partie de l'ouvrage. Pour mieux répondre, il me semble qu'il faut souligner que effectivement cette question de la décroissance urbaine, c'est un problème. On en a énoncé un certain nombre, mais c'est un problème qui a eu quelques difficultés à être mis à l'agenda, comme le disent les politistes, c'est-à-dire que ce qui fonctionne bien dans le monde dans lequel on vit, c'est la croissance économique sans laquelle on ne peut rien, même pas redistribuer, la croissance démographique, et c'est extrêmement difficile pour des acteurs locaux d'assumer qu'effectivement que la ville perd des habitants et que ce sujet-là en tant que tel doit être saisi et qu'on doit essayer de trouver des solutions à ça. Et de manière même globale, au niveau des politiques publiques dans leur ensemble, que ce soit des politiques publiques de logement ou d'aménagement, elles ont toutes été quand même élaborées dans les années 60, dans un contexte où la croissance, la prospérité, alors on sait que la formule des 30 glorieuses a bien vécu et qu'aujourd'hui elle est largement essorée, mais il n'empêche qu'on était quand même dans des modes de projection et d'horizon où la croissance démographique, économique était tout à fait ouverte. Voilà. Et c'est bien dans ce cadre-là que la plupart des outils d'aménagement ont été inventés. Alors, pourquoi les bailleurs sociaux ? Parce que un certain nombre d'entre eux se retrouvent dans des territoires en décroissance et qu'ils se sont confrontés à des politiques publiques, pour le coup, qui soient dans le cadre de la rénovation urbaine, donc pilotée par l'Agence nationale de la rénovation urbaine, ont mis en place des dispositifs visant certes à démolir des logements, mais à démolir des logements en reconstruisant un. Donc c'est ce qu'on a appelé la règle du 1 pour 1 dans le premier programme de renouvellement urbain national entre 2004 et 2013. Et ces bailleurs sociaux, à Saint-Étienne comme dans d'autres territoires, je pense notamment au territoire de Montceau-les-Mines ou à des territoires du Grand Est aujourd'hui, l'ancienne région Champagne-Ardennes par exemple, ont été un petit peu, saisis par cette demande, puisque dans leur territoire, l'objectif n'était pas de construire, puisqu'ils avaient moins de population. Les objectifs pour eux étaient plutôt de les aider à démolir, voire à rénover des logements pour que le parc social continue à être attractif. Voilà, donc ces bailleurs-là, office public de l'habitat ou entreprise sociale bailleur privé, disons, disons-le simplement, ont effectivement d'abord beaucoup parlé entre eux, ont organisé des colloques pour partager les problèmes auxquels ils étaient confrontés, c'est-à-dire de ne plus pouvoir mener à bien leur mission dans ces territoires en décroissance. Et ils ont agi véritablement comme des lanceurs d'alerte pour effectivement faire remonter un certain nombre de leurs problèmes en questionnant finalement le modèle de financement de la production de logements social. Ça, c'est la première chose. Cette difficulté de... les bailleurs lanceurs d'alerte et puis un certain nombre de politiques publiques, peut-être Pauline pourra en dire un mot aussi d'un autre, qui se sont adressés à la décroissance sans le dire, en tout cas au départ. Donc un certain nombre de politiques publiques destinées par exemple aux centres-bourgs, à la revitalisation des centres-bourgs, qui, pour un certain nombre d'entre eux, étaient aussi caractérisés par des pertes démographiques, qui se sont concentrés sur leur revitalisation sans être des politiques véritablement spécifiques de gestion de la décroissance. Voilà, donc en ce qui concerne les bailleurs sociaux, dans l'ouvrage, il y a des entretiens assez intéressants. Parce que ce soit Christophe Bousco qui est directeur de l'Office public de l'habitat de l'Orne ou Marie-Laure Vitnez qui est aujourd'hui à la tête de Métropole et Habitat montre bien combien il a été difficile pour ces bailleurs de faire reconnaître leurs problèmes spécifiques de bailleurs travaillant en zone détendue puisque c'est le vocabulaire qui est retenu. Contrairement à des bailleurs qui, à Lyon, Paris ou dans les métropoles dynamiques, n'ont évidemment pas ce genre de problème. Oui, alors donc, on voit hein, quand même que cette question de la décroissance et la question qui va avec, quoi, de remettre la forme bâtie de la ville à la bonne taille, hein, correspondant à la population qui réside réellement. Et tout cela suppose une véritable rupture, hein, de rupture dans la façon d'approcher les choses, de rupture dans la façon d'envisager l'intervention sur l'urbain, et des ruptures qui questionnent aussi la manière dont sont formés les professionnels de l'urbain, hein, qui sont formés davantage à gérer la croissance et qui, dont toute l'histoire professionnelle aussi de ces professionnels de l'urbain a accompagné les phénomènes de croissance. La profession d'urbaniste est née de la croissance des villes et le mot urbanisation a en fin de compte un double sens, hein, à la fois le sens d'un état, hein, l'état d'un territoire urbanisé et le sens d'un processus, c'est-à-dire celui du développement, hein, développement matériel de ce territoire urbanisé. Alors, tout ça associé au fait que, avant d'accepter, de prendre en compte la réalité de la décroissance urbaine comme un fait qui n'est pas un fait conjoncturel, mais un fait structurel, c'est-à-dire qui est fortement lié et inscrit dans le devenir des villes, avant de prendre en compte tout cela, cela pose plutôt la prise en compte. La difficulté de la prise en compte de tout cela laisse un peu les intervenants démunis, et face, et donc on voit, on assiste, on recense des expériences, des essais qui, dans différents territoires, différentes villes confrontées à ces questions de décroissance urbaine, des essais, sans savoir-faire, où on apprend à marcher en marchant. Et donc c'est maintenant là-dessus, Pauline, qu'il faudrait nous éclairer un petit peu sur, d'abord quelques exemples d'interventions sur ces villes. villes décroissantes, hein, dans les territoires notamment qui sont évoqués ici dans ce livre, hein, que ce soit les villes américaines ou encore les villes de la partie orientale de la République fédérale allemande, l'ex-Allemagne de l'Est, et sans oublier quelques expériences pionnières conduites à Saint-Étienne. Oui, donc c'est vrai qu'en en réaction à l'absence de politique publique adaptée à l'intervention dans les territoires en décroissance, on remarque une diversité d'expérimentations qui peuvent être à la fois portées par donc des maîtrises d'œuvre, des architectes, mais aussi à l'initiative des communes et des municipalités. Donc l'ouvrage revient entre autres sur une expérience pionnière stéphanoise qui s'est déroulée pendant les années 70-80, donc pendant la municipalité Sankt-Dolz, où le maire et l'équipe municipale ont mis en œuvre une politique de retour vers le centre ancien, en essayant d'intervenir sur le tissu ancien qui était fortement dégradé, avec un début de vacances. Et donc dans ce cadre-là, on recense plusieurs expérimentations de déconstruction d'îlots, en particulier dans le quartier du Peuple. Je pense notamment à l'expérimentation sur l'îlot Émile Zola, ou à l'initiative de la municipalité et d'une équipe de maîtrise d'œuvre avec un architecte mandataire, va être expérimentée une déconstruction d'îlot, donc à partir d'un diagnostic social très précis pour essayer de recenser l'occupation du bâti, et en même temps un diagnostic technique qui va permettre de décider quels sont les immeubles à déconstruire, ceux qui sont à conserver, le tout pour concevoir un projet de déconstruction dans l'idée d'améliorer les conditions de vie des habitants. Donc dans l'exemple de l'îlot Émile Zola, par exemple, sont la conception de cours urbaines en cœur d'îlot pour les habitants qui va être envisagée. Donc l'idée étant vraiment de rapporter de nouveaux usages, ou en tout cas d'adapter l'îlot à des modes de vie plus contemporains. Donc on est vraiment à ce moment-là dans une rupture par rapport aux pratiques d'aménagement, notamment du point de vue de l'architecte, puisque donc jusqu'à là, il était plus dans une posture d'architecte-bâtisseur. Enfin, depuis toujours, il est dans cette posture-là, qui s'est d'ailleurs affirmée au cours du XXe siècle, comme le disait Georges Guay, lorsque se sont structurés les métiers de l'urbanisme, aussi pour répondre à une croissance urbaine importante et aux besoins de la maîtriser. Et donc c'est dans ces années-là, aussi face à des réactions donc, concernant des opérations de rénovation urbaine où ont été démolies des tours et des barres de manière assez brutale, qui va avoir une politique de retour vers le centre ancien en essayant de voir comment peut-être les réhabiliter ou les déconstruire de manière plus douce en tout cas. Et que les politiques publiques vont aussi à ce moment-là mettre en œuvre des dispositifs de réhabilitation plus adaptés à ce type d'intervention-là. Donc cette rupture va se lire à la fois par l'émergence d'architectes de la déconstruction, des architectes déconstructeurs, en parallèle d'autres architectes qui seront plutôt des star-architectes qui vont poursuivre la construction toujours dans un paradigme de croissance et de production urbaine pour répondre au développement de la ville. Donc dans la poursuite de cette expérimentation Émile Zola, à Saint-Étienne, d'autres opérations de déconstruction vont avoir lieu. Donc on peut en recenser celle du square Hauptmann, par exemple, dans les années 2000, mais également plus récemment dans le quartier Tarentaise-Beaubrun, des opérations qui ont été menées dans le cadre des programmes de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et qui ont été portées par un architecte, donc Éric Clavier, qui propose donc dans la partie 2 un chapitre sur ces projets de déconstruction autour de l'idée que déconstruire, c'est jardiner la ville. En tout cas, c'est son credo, que pour améliorer les conditions d'habiter des habitants, il faut leur redonner des jardins, ou en tout cas des espaces végétalisés, afin qu'ils puissent se les approprier. Donc, il a conduit dans ce cadre-là deux opérations de déconstruction, celle de l'îlot Franche-Amitié et celle de l'îlot Solesel-Beaubrun, avec l'idée de déconstruire les îlots, donc de la même manière qu'on a pu le voir lors de l'expérimentation de l'îlot Émile Zola, c'est-à-dire faire un diagnostic de l'existant très précis pour concevoir un projet qui s'appuie sur la matérialité des murs, également s'intéresser à la structure du sol. Et c'est aussi dans ce cadre-là que l'architecte déconstructeur n'est plus l'architecte constructeur qui agit seul, mais qui va s'entourer d'une équipe d'acteurs au sein de la maîtrise d'œuvre, avec par exemple de nouveaux acteurs qui ont émergé au cours du XXe siècle et qui sont par exemple le paysagiste, mais aussi des designers, mais également des sociologues, etc. Et donc dans la poursuite de ces projets de déconstruction, donc, comme je l'ai dit, on voit des projets à Saint-Étienne, on en retrouve également à Roubaix ou dans d'autres villes en décroissance comme Toulon. Et de manière plus générale, d'autres expérimentations sont menées à l'échelle européenne. Donc, par exemple, en Allemagne, dans les villes de Halle-sur-Saale et de Goslar, où Nina Gribat, dans un chapitre, revient notamment sur des politiques urbaines qui vont être apportées en réponse à la décroissance urbaine dans ces villes-là. Donc là, au-delà du seul rôle de l'architecte, ce sont plus généralement des designers, architectes d'intérieur, graphistes, artistes, qui vont s'emparer de ces traductions matérielles de la décroissance urbaine, que sont les friches industrielles, délaissées, les immeubles abandonnés, et vont donc se réapproprier ces espaces-là en développant de nouveaux usages avec les habitants. Donc on voit à la fois un développement de ces initiatives donc, à l'initiative d'artistes ou de collectifs associatifs, mais aussi à l'initiative des équipes municipales. Donc c'est notamment le cas à Goslar, où le maire Oliver Junk va notamment s'insérer dans des... en tout cas va propulser de nouveaux programmes ou politiques alternatives pour tenter de se réapproprier toutes ces friches-là. Et enfin, pour finir sur Saint-Étienne et reboucler la boucle, on retrouve aussi des expérimentations d'appropriation et de gestion des espaces en attente dans le quartier Jacquard, au niveau de la cartonnerie, par l'association Carton Plein, au cours des années 2010. Et puisque la boucle est bouclée, on va retourner à Saint-Étienne et je vous propose une pause musicale d'ancrage local, puisqu'il s'agit du groupe Barrio Populo. Pauline, c'est toi qui proposais ce morceau. Est-ce que tu veux le présenter rapidement aux auditeurs et auditrices ? Ne serait-ce que le titre et pourquoi, par exemple ? Oui, pourquoi Saint-Étienne ? En tout cas, je sais que c'est un morceau qui a eu beaucoup de succès auprès des Stéphanois et voilà, il y a eu de nombreux lives. Et je trouve que les paroles... illustre très bien le propos qu'on peut tenir dans cet ouvrage. Voilà, donc je pense que c'est une bonne illustration. T'es pas mignonne, t'es pas très belle, t'as du crassier sous les aisselles, de la sueur coule dans tes veines, oh ma vilaine Saint-Étienne. T'es construite, vite fait, mal fait, maison pourrie pour ouvrier, une terminée, des hommes creusés, une aménée révoltée. On t'a sali, maintenant on dit que c'est toi qui es sale, que tu pues l'ennui. Mais moi quand je te renifle, je sens la vie, chose pas facile pour une ville. T'es éclaboussé de couleurs, t'es aussi trempé d'odeur, mais au moins pas séché de peur, on entend battre ton cœur. Comme à Rome, tu as cette colline, tous les chemins mènent à la mine, puis tu croises les copines, y'a la Germaine, la Yasmine. Dans le même quartier, t'as la Haute-Loire, le Maghreb Auvergne, l'Afrique noire, les paysans, les loubards, c'est le quartier populaire en pas cher. T'es de tout petite ta banlieue, c'est le centre, tes seins te caressent le ventre. Et à minuit quand tu rentres, on rentre aussi dans ton entre. Moi, c'est de la campagne que je viens, mais le maire n'est jamais si loin. Alors je t'ai donné mes mains, toi t'es la seule qui me va bien. Paraît que veulent te rendre attirante, ils veulent te laver les pentes, virer tes démons, tes démentes, virer tes pensées et tes friches. Ton désordre est trop dérangeant pour l'ordre qui n'aime pas le vivant. Ils te veulent morose et sous-calmant, attirante, mais pour les riches. Ces riches qui se plaignent, disent que Saint-Thé c'est chaud, mais putain c'est ça qu'il nous faut. Du soleil jusqu'à Moreno, la place du peuple, c'est si beau. En curant la joie, tu brûleras des vieux sur les bancs qui ne bougent pas. Le boxon dans ses trucs à bois, le peuple sera chez lui, chez toi. Même avec ta sale rengaine, qui ringarde avec ta bedaine, je t'aimerais toujours mieux Saint-Étienne que si tu devenais une bourgeoise mondaine. Les Barrios Populos sur le 89.5 de Radio Dio est de retour dans l'émission du Grémos. On va continuer à étudier les évolutions des grandes villes et notamment celle de Saint-Étienne. En passant cette fois eh bien, sous l'angle de la transformation du métier d'architecte, si je ne m'abuse. Alors, Pauline, donc architecte de formation, hein, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ces nouvelles problématiques, ces nouveaux questionnements de l'aménagement posent à la formation des architectes ? Ces architectes qui, cela a été dit, hein, apprennent à construire d'abord, hein, sont déconstructeurs, et là on les place devant une sorte de défi, avec un véritable défi culturel, on va dire, d'être des, cette fois-ci non plus des constructeurs, mais des déconstructeurs, hein, c'est-à-dire à penser la ville par ses pleins, hein, par ses vides, pardon, plutôt que par ses pleins, à penser par les creux plutôt que par le remplissage. Alors, donc, qu'est-ce que cela implique ? Parce que c'est une chose qui tu as réfléchi dans tes travaux personnels sur cette question de la déconstruction, comment on l'aborde ? Oui, tout à fait. Donc, c'est un renversement au niveau de la posture de l'architecte qui est formé à bâtir et non à déconstruire. Donc lorsqu'il se retrouve ou qu'il initie ce type d'expérimentation, forcément il va se retrouver face à des impensés ou en tout cas des problématiques pour lesquelles il n'a pas forcément été formé. Donc juste pour donner un exemple, par exemple le diagnostic technique qui va permettre de faire un état des lieux très précis de l'existant, du bâti, de l'état des lieux, etc. Actuellement, n'existe pas dans le code de la commande publique. Il existe uniquement lorsqu'il s'agit de réhabiliter ou lorsque les bâtiments sont inscrits au patrimoine. Ou alors, il existe aussi pour les démolitions, mais uniquement dans le cadre de diagnostics obligatoires qui seraient liés à la présence d'amiante, de plomb, de termites, etc. Mais en tout cas, actuellement, il n'en existe pas pour diagnostiquer très précisément le bâti et l'état des murs. Donc il va se retrouver dans une situation, enfin, il va mettre en place une méthode assez empirique et apprendre pas à pas comment s'y prendre, aussi parce qu'il est entouré de bureaux d'études spécialisés, de paysagistes qui vont permettre de l'accompagner. en tout cas, ce renversement, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui est visible depuis les années 70-80 dans le métier de l'architecte, fait peu à peu sa place, notamment au sein de la formation, puisqu'on remarque que depuis une quinzaine d'années, la question des villes en décroissance et de l'intervention et de la dédensification de la ville est de plus en plus présent dans les écoles d'architecture, que ce soit notamment dans des écoles qui sont situées dans ces villes justement en décroissance, ou en tout cas touchées par ces problématiques-là, comme Saint-Étienne, mais on le voit aussi dans des villes comme Clermont-Ferrand, avec des problématiques de dévitalisation plutôt en milieu ruraux. Et donc, par exemple, l'école d'architecture de Saint-Étienne, un domaine en Master 2, permet d'envisager directement ces problématiques et donc d'initier les étudiants à se frotter peu à peu à la dédensification, ou en tout cas à la déconstruction. Effectivement, donc des changements dans la posture intellectuelle, on va dire, de l'architecte. Mais bon, il n'y a pas que les architectes qui sont concernés par la ville, ni tous les acteurs dont on a parlé jusqu'à présent, les bailleurs sociaux, les aménageurs de tout poil et de tous ordres. Mais il y a aussi, bien sûr, d'abord, les habitants. Même si on parle de villes qui perdent des habitants, si on parle de locaux vacants, donc, inhabité. Il en reste néanmoins que les habitants sont au premier rang des personnes concernées par la ville. Et alors, ces questions de déconstruction, on le voit dans le dernier chapitre de l'ouvrage, alors ces questions de déconstruction, parce que justement, cette pratique, elle est abordée dans le registre davantage de l'improvisation, de l'expérimentation, que dans celui de la codification, de la réglementation et de l'expérience au sens de l'acquis, eh bien, ces opérations de déconstruction, elles sont extrêmement ambiguës, d'une part, parce que, alors, on a fait, on l'a dit déjà, de la déconstruction sans le dire, parce que dire qu'on déconstruit, c'est dire aussi que la ville perd des habitants, et tout ça est difficile à assumer par les politiques, à assumer aussi par les habitants. Voilà, donc ça c'est un premier aspect des choses. Et puis aussi, les opérations de déconstruction les plus spectaculaires que l'on voit fleurir au tournant du XXIe siècle, à commencer par ici l'opération emblématique à Saint-Étienne de la démolition de la muraille de Chine, sont des opérations qui sont un peu le fauné de restructuration, on va dire, sociale de certains quartiers. Et on peut voir, sous couvert d'invocation de l'obsolescence d'un bâti, eh bien, on peut voir que la déconstruction a été souvent utilisée comme argument, comme outil ultime, eh bien, d'un traitement social des quartiers dont tous les autres dispositifs mis en œuvre avaient abouti à des impasses. Donc, c'est premier élément d'ambiguïté de ces opérations de déconstruction qui ne sont pas à prendre pour argent comptant dans tous les cas. Et de fait, il y a des oppositions aussi. Des oppositions qui sont anciennes. Les habitants, même habitants dans du logement qu'on qualifierait aujourd'hui d'indigne, même vivant dans des conditions extrêmement mauvaises, eh bien, les habitants ont toujours résisté à ces opérations-là. Je parle ici d'une manière historique et en allant sur des temps, sur des époques plus ancienne que les 20 ou 30 dernières années qui viennent de s'écouler. Le maire de Firminy, Claudius Petit, maire bâtisseur, s'il en est, eh bien, a perdu son siège de maire, justement parce qu'il a joué d'une façon un peu imprudente au déconstructeur, au démolisseur. Et donc, il s'est heurté à un refus, un rejet de la part de la population. Alors, par ailleurs, eh bien, ce rejet de la démolition participe aussi d'un attachement à un bâti qui est un morceau d'histoire, un morceau de mémoire de la ville. Alors, dans certains cas, qui peut être justifié, mais dans d'autres qui concernent un bâti absolument banal, que l'on cherche à conserver, que l'on cherche à préserver. Alors, ceci étant, eh bien, par-delà ces questions ces résistances, réticences face à la déconstruction, cette déconstruction peut être un moyen, à condition d'y associer les habitants, peut-être un moyen d'améliorer la ville pour ceux qui sont encore là, pour ceux qui restent, et même, pourquoi pas, avec la perspective ou l'espoir de faire revenir une population en ville qui l'a quittée pour des raisons diverses. Alors, Christelle, cette perspective-là, cette perspective de faire une ville, de restructurer une ville pour ses habitants encore là, comment peut-on l'envisager? Surtout dans une ville comme Saint-Étienne, une ville comme Saint-Étienne qui est une ville construite à la va-vite, et dont tu nous as dit plusieurs fois que c'était une ville de rapport. Alors, donc, partant de cette idée de ville de rapport, comment on peut transformer cette ville de rapport en une ville à vivre? Oh, là, tu exagères un petit peu sur l'ampleur de la question. En tout cas, je crois que tu as profondément raison de rappeler que, effectivement, la décroissance démographique n'est pas naturel, comme le dit un chercheur américain qu'on aime bien, qui s'appelle Jason Eckworth, qui dit « Urban decline is not natural ». Il y a bien derrière des acteurs, des stratégies qui font que les villes se portent plus ou moins bien. Il y a des composantes aussi sociales, voire socio-ethniques, alors qui sont effectivement très, très lisibles dans les cas américains. Ce qu'écrivent Vincent Béal et Max Rousseau sur Cleveland, sur lequel ils ont publié un ouvrage là récemment, le montre bien aussi. C'est-à-dire que des parties entières de la ville sont aussi soumises à des processus de déclin parce qu'elles sont afro-américaines. Et on peut remonter comme ça aux politiques de redlining, etc. etc. Je ne vais pas avoir le temps de développer ça, je vais revenir à Saint-Étienne. Donc cette ville de Saint-Étienne, donc, qui effectivement a la taille qu'elle a accueilli aussi au cours des 19e, 20e beaucoup de main-d'œuvre, qui s'est, et ce n'est pas du tout péjoratif de le dire comme ça, qui a été entassée aussi dans la ville parce qu'elle y a été logée, pas forcément. Toujours dans des bonnes conditions. L'habitat patronal a été relativement faible à Saint-Étienne. La société HBM, créée par la ville en 1921, n'a pas vraiment beaucoup construit de logements pendant l'entre-deux-guerres. Donc, il y a eu effectivement cette ville qui s'est remplie d'habitants, les îlots qui ont été densifiés un petit peu en faisant référence à ce que disait Pauline tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, cette ville a perdu des habitants, elle reste parfois densément bâtie, et depuis un certain, donc Pauline a dit que ces expérimentations, ces expériences remontaient assez loin, mais On peut se dire que depuis quelques années maintenant, le fait de démolir un certain nombre de secteurs, un certain nombre de parcelles est davantage assumé hein, par la municipalité en place, pas forcément dans la première campagne en 2014, hein, puisque là aussi il y avait toujours cette ambition démographique de vouloir retrouver ce seuil, cette barre, je ne sais pas ce qu'il faut dire, de 200 000 habitants. Il n'en reste pas moins que les titres de la presse locale en témoignent encore récemment. On va démolir beaucoup à Saint-Étienne. Ça se chiffre en... Oui, excuse-moi de te couper. Non, et on va démolir, j'ai noté ça, pour libérer des espaces, tout hein, ce qui fait. Est une grande nouveauté dans le discours. Tout à fait. Donc effectivement, alors le contexte n'est pas donné, mais effectivement il s'agit bien, alors avec des petits côtés quand même hygiénistes qui sont peut-être pas encore complètement dans la déconstruction telle qu'on la essaye de la promouvoir aussi dans cet ouvrage. Petit côté aération, petit côté donc là aussi regardons un œil sur les processus sociaux à l'œuvre. Moi ça me semble important en tout cas. Ce qui est clair, c'est que effectivement quand on fait de la place, on améliore. On peut améliorer la situation des habitants déjà là ou encore là, comme on le dit dans l'ouvrage. On contribue aussi, et c'est une ambivalence fondamentale, on contribue aussi à revaloriser la ville. Et voilà, comment faire autrement Revaloriser au sens le plus matériel et économique du terme. Tout à fait. Au sens symbolique, c'est-à-dire faire remonter les valeurs. Le prix du mètre carré, exactement. Pour parler clairement. Exactement. Et de manière globale, ces stratégies de lutte contre la décroissance, alors qui ont été... qui ont été parfois nommés on remet la ville à la bonne taille ou on accompagne la décroissance, enfin voilà, avec un gradient aussi de nature de politique, elles sont quand même par nature fatalement ambivalentes, je vais dire ça comme ça, puisque en démolissant, déconstruisant, il faudra peut-être qu'on revienne un peu sur les différences, et bien on contribue à retendre le marché, hein, donc à la fois en créant de la relative rareté de biens, relative, mais aussi en permettant à ce que les logements existants aient davantage d'aménités, comme tu le disais tout à l'heure. Cette aménisation de la ville qui est indispensable, hein. Il y a un certain nombre d'îlots qui sont sans doute invivables aussi. Il faut garder un œil sur ce que ça produit, sur le peuplement global du quartier, de la ville, bien sûr. Après, dans ta présentation, tu as aussi fort logiquement alerté sur la part des habitants dans tout ça. Et effectivement, dans l'ouvrage, on s'appuie, enfin les conclusions qui sont rédigées par Valérie Salapala, Rachid Kadour et puis aussi Jean Attali, on fait appel à cette notion de ville juste, donc qui est une ville promue par une auteure qui s'appelle Suzanne Feinstein et qui est attentive à trois choses. D'une part, à des politiques redistributives, donc politique sociale, politique de redistribution économique, des politiques qui favorisent la diversité sociale, socio-ethnique, etc. Et des politiques qui favorisent, c'est le troisième élément de la ville juste pour Suzanne Feinstein, qui valorisent le débat démocratique. Et effectivement, ces habitants encore là, c'est eux aussi qui contribuent pleinement à la fabrication et à la vie urbaine. Donc il importe de les associer à cette reconfiguration de la ville. Et Pauline pourrait peut-être en dire aussi plus sur des expériences en architecture qui ont travaillé là aussi à ces reconstructions, à ces déconstructions avec des habitants. Oui, c'est vrai que l'enjeu d'intégrer les habitants dans les projets de déconstruction d'îlots est important, surtout si on considère que la déconstruction entend améliorer le confort des habitants des îlots en particulier. Donc le travail de l'architecte à ce niveau-là est important, puisque si on considère qu'il déconstruit pour les habitants en place, l'enjeu sera de faire en fonction des attentes des habitants. Donc par exemple, dans le cas d'Éric Clavier, celui-ci va choisir le jardin comme élément fédérateur pour les habitants et pour qu'ils puissent y développer de nouveaux usages, que ce soit le jardinage ou aussi pour que les enfants puissent jouer dans les cours, etc. Mais on se rend compte qu'actuellement, l'intégration des habitants n'est pas forcément évidente du point de vue du fonctionnement des projets, puisque donc, la plupart du temps, les projets sont préconçus par les municipalités, les schémas directeurs, ou en tout cas la planification des îlots est déjà dessinée en amont. Donc en réaction, les habitants vont participer sur des objets qui concerneront donc plutôt le développement des usages dans les cours, etc., mais pas forcément décider pleinement du futur projet. En tout cas, c'est une problématique que j'ai pu étudier dans le cas de Roubaix et de projets de déconstruction d'îlots dans un quartier populaire anciennement ouvrier, où se pose la question du devenir donc d'îlots fortement construits, et se pose la question de la démolition ou de la réhabilitation, et si démolition, pour qui et pourquoi. Et on voit bien que ce dilemme se pose actuellement pour la municipalité qui porte le projet, mais aussi pour l'architecte qui se trouve parfois tiraillé entre un projet politique généralement d'attractivité de nouveaux habitants et la conciliation avec les attentes, en tout cas répondre aux attentes des habitants qui sont sur place, qui ne seront pas forcément les mêmes que de nouveaux potentiels habitants qui arriveraient sur le quartier. Oui. Je voulais aussi revenir sur peut-être j'insiste ou j'appuie ce que Pauline vient de dire, c'est-à-dire la question sans doute pertinente, quels que soient les modes d'action choisis, c'est pour qui, pour qui on fait tout ça, pour qui on conduit des politiques urbaines. Et effectivement, le choix de l'attractivité prédomine. Aujourd'hui, il y a en tout cas un fort tropisme, et cette question des habitants déjà là ou encore là dans le cas des villes en décroissante mérite de ne surtout pas être perdue de vue. C'est vraiment une condition de la vie démocratique en ville. Mais je voulais aussi revenir, si tu permets, sur un élément du titre de l'ouvrage, qui est « Les villes en décroissance, laboratoire ». Et c'est vrai qu'on s'est focalisé donc sur la déconstruction, parce que la proposition est vraiment effectivement que le travail des architectes, urbanistes et des gens qui fabriquent la ville de manière globale soit attentif à l'amélioration par la démolition intelligente. Je vais dire ça comme ça, je ne sais pas si tu serais d'accord, Pauline, de définir la déconstruction comme ceci, mais c'est un petit peu à l'arrache. Mais en tout cas, il y a aussi dans les villes en décroissance la question de la gestion de la vacance. Et ça, pour le coup, à Saint-Étienne, comme dans d'autres villes en décroissance, il y a aussi des formes d'expérience de lutte contre la vacance au travers d'expériences de revitalisation des rez-de-chaussée, qu'elles soient conduites ici par l'association Rue du Développement Durable ou par le CREFA de Loire rue de la Ville, qui sont tout à fait intéressantes, qui sont des manières de faire ou de refaire la ville qui sont extrêmement intéressantes, qui sont rudes aussi, parce que ça prend du temps, mais c'est une manière aussi de retisser des liens explicites entre des propriétaires, plus ou moins là, mais en tout cas, des propriétaires qui sont encore dans la plupart du temps des personnes physiques, pas encore des fonds de pension, mais le mouvement d'investissement arrive à Saint-Étienne, retisser les liens entre les propriétaires et des futurs usagers des lieux, donc avec de redonner peut-être pas une valeur d'échange absolument faramineuse, mais en tout cas une vraie valeur d'usage à ces rez-de-chaussée. Et ça, je trouve que c'est aussi une dimension de laboratoire et de production, enfin d'expérience dans la ville en décroissance qui est vraiment intéressante et innovante, et dont les aménageurs ont sans doute aussi à apprendre. Bien, et bien,